Page 170. On n'arrête pas l'écho. Alors le problème, c'est que cette mondialisation, elle a ses bénéficiaires et puis elle a ses victimes. À qui profite-t-elle? Donc les pays émergents, on l'a vu, la oui. Chine, les élites économiques, et c'est bien ça le problème. En revanche, les catégories populaires sont un peu les victimes de cette mondialisation. Bah, il y a ceux qui ont les ressources nécessaires pour profiter de la mondialisation. Les ressources en termes de capital, en termes de compétences, notamment linguistiques, et qui peuvent effectivement faire des études à l'étranger, avoir des postes d'expatriés, les exilés fiscaux, il ne faut pas le dire, les actionnaires surtout, qui bénéficient effectivement de la mondialisation. Et puis il y a ceux qui n'ont pas ces ressources ou qui voient la mondialisation comme un phénomène qui va heurter leurs valeurs. On peut penser à des mouvements intégristes, mais également à ceux qui défendent tout simplement les traditions nationales ou locales. Ah oui, alors ça c'est la réaction, disons, identitaire à l'uniformisation culturelle. Mais d'un point de vue économique, il y a les catégories populaires, donc ce qui explique qu'elles soient sensibles à un certain discours nationaliste, parce qu'elles en sont les victimes de délocalisation et de perte d'emploi, par exemple. La mondialisation a un gros inconvénient, c'est que ses effets négatifs se concentrent sur la même population et sont extrêmement visibles, alors que les effets positifs sont diffus et ne se voient pas. Donc l'ouvrier, effectivement, qui vient de perdre son emploi parce que son entreprise a délocalisé, se sent victime de la mondialisation. Ensuite, il va dans un magasin hard discount pour acheter des produits fabriqués en Chine, avec peut-être une entreprise qui a délocalisé au passage. C'est un gain de pouvoir d'achat pour lui. Il est content d'avoir un ordinateur à petit prix, etc. Voilà, et il part en vacances via une compagnie low cost. Il est bénéficiaire de la mondialisation, mais ça ne se voit pas. Il trouve ça normal.